hein, trop d'inspi, jamais crevé, hein, j'ai peut-être pas fait ce que je devais, hein, mais j'ai rendu ce que je te devais. Je vais les niquer, surtout vous en mêlez pas. Que des hypocrites me jouent au jeu depuis le départ. Je suis arrivé seul avec l'aide de peu de gens, je m'en fous complet d'être une légende, je représente ceux qui ont pas de chance. Ce mec qui pleure seul dans le noir dans sa chambre. Comment avancer avec des poils dans la jambe quand tu es plus que pisté par monsieur l'agent. Au quartier, chacun sa réputation. Arrête de chanter, on sait tous sur la chambre. Antipé des haches qui ont pas de cœur, c'est plus un taf de tuper, c'est devenu une passion. Ça m'en fout, que ça me chope. Alors je suis sous, que ça me chope. Faut que je trouve mes sous, que ça me chope. Ils font des trous, que ça me chope. C'est le sang, on fait la top. Mais reste tranquille, je suis pas ton pote. Pour ton resto, que ça me chope. T'as pris un coucou, que ça me chope. C'est la fin du pétou là. Je me demande qu'est-ce que je fous là. Je suis en fumette grave, grave, gorge sèche, faut que je boive un coup là. Tu parles, t'es que spectateur. Leur blabla, moi, ils me font pas peur. Je veux dire plein de choses qui me tiennent à cœur. Représenter voleurs et braqueurs, computer, est-ce leur faute la monnaie. Peu importe le délit qu'on commet. Tant que c'est pour faire manger la mif, tant que c'est pas pour tout consommer. Dur de voir un avenir sans sous. L'État, les flics nous rendent fous à vous. S'il y aurait moins d'indic, y aurait moins de frérot en garde à vue. Que ça me fout, que ça me chope. Alors je suis sous, que ça me chope. Faut que je trouve mes sous, que ça me chope. Ils font des trous, que ça me chope. C'est le sang, on fait la top. Mais reste tranquille, j'suis pas ton pote. De la peine, je le reconnais à peine. La toile c'est dur, mon dit mes potos en promenade sur ton 12 et tes arènes. Vas-y, prends-en de la graine. Malheureuse est la vie que je mène. Je suis content quand je vois ma team qui font tous le signe quand je suis sur scène. Viens pas me tester dans mon domaine. Je squatte le studio toute la semaine. Mon équipe est là, c'est le vol te traîne. Je fume le pet, c'est trop de la crème. Si tu me déranges, crois pas que je me gêne. Faire du bien aux gens, les faire sourire. J'aime les voir s'évader sur mes sons. Je les appelle les sangs de la veine. Que ça rend fou, que ça me chope. Alors je suis sous, que ça me chope. Faut que je trouve mes sous, que ça me chope. Ils font des trous, que ça me chope. C'est le sang, on fait la top. Mais reste tranquille, je suis pas ton pote. Sa vie, que ça me chope. Si je suis de la team, que ça me chope. C'est trop facile, que ça me chope. C'est fort ma ville, on fait la top. Je fais mes sous, je suis pas ton pote. Ça lance des piques, que ça me chope. Je t'ai pas dit, que ça me chope. Que ça rend fou, que ça me chope. Alors je suis sous, que ça me chope. Faut que je compte mes sous, que ça me chope. Ils font des trous, que ça me chope. C'est le sang, on fait la top. Mais reste tranquille, je suis pas ton pote.